À l'aérospatiale ce soir, un survol de la 19e édition de la Rencontre internationale d'art performance de Québec, un entretien avec Caroline Gagné au sujet des capsules L'accroche-oreille et Avatar à l'aérospatiale, un retour sur l'exposition de François Mathieu, Jocelyn Robert et Michel Boulanger avec Émilie Porraquia et Julien Saint-Georges, de même que la sélection audio de Simon Roy. Alors, bonsoir, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine radio en arts visuels à Québec. Audrey Caro avec vous au micro pour vous accompagner dans cette prochaine heure. Et il faut dire que vendredi dernier, on a eu toute une soirée d'ouverture à Méduse. 5 expositions étaient lancées et on va avoir justement l'occasion d'en aborder 3 ce soir avec nos 2 chroniqueurs qui vont venir nous parler donc notamment de l'exposition de François Mathieu à l'œil de poisson, Jocelyn Robert à la bande vidéo et Michel Boulanger chez Engram. Donc, on va jaser de ça avec Émilie Porraquia et Julien Saint-Georges. Également, il faut dire que plusieurs expositions vont ouvrir cette semaine, plusieurs événements aussi qui débutent. On vous en fait mention à la fin de l'émission, comme toujours, mais vous pouvez également aussi consulter notre page web, l'aérospatiale, ckrl.wordpress.com, pour voir tout le calendrier donc de ces expositions et événements à venir. Aujourd'hui, on va aussi poursuivre notre couverture de la rentrée et j'aurai le plaisir de m'entretenir dans quelques minutes avec Richard Martel et Patrick Dubé du lieu qui vont venir nous parler donc de la RIAP, la Rencontre internationale d'art performance de Québec, qui va débuter là qui va débuter à la fin de la semaine. Et également, je vais recevoir donc la directrice artistique d'Avatar, Caroline Gagné, pour nous parler de cette collaboration que je vous avais annoncée à la première partie de l'émission, donc première émission plutôt de l'année, entre la Croche-oreille, cette émission donc d'art audio qui était sur les ondes de CKRL, et d'Avatar, donc des petites capsules qui seront diffusées à quelques reprises dans l'émission au cours de l'année. Donc, on s'en jase un petit peu plus. Et bien sûr, malheureusement, cette fois-ci, Simon Roy ne pouvait être avec nous cette semaine pour nous présenter la sélection musicale, mais il nous propose cette semaine Anitech, qui est un artiste originaire du New Jersey, donc qui fait dans le trip-hop. C'est un multi-instrumentiste et DJ, donc, si vous allez voir, il joue de nombreux instruments, clarinette, piano, trompette, etc. Et aujourd'hui, ce que nous propose Simon Roy, c'est des extraits de l'album Luna, qui est quand même assez volumineux, 34 chansons en tout. Donc, on peut trouver ça, comme toujours, gratuitement sur le web, mais on le mettra téléchargeable, bien sûr, sur notre page web. Donc, une musique, comme je disais, trip-hop, mais où on le mélange des genres se fait chill out, blues, jazz, funk, électronique, lounge. Bref, on peut dire une proposition assez intéressante. On s'en va justement écouter un premier extrait, donc qui s'intitule So Far. We'll be right back. Je suis en compagnie de Richard Martel, directeur artistique de la RIAP 2016. Bonsoir, Richard. Bonsoir. Et également accompagné de Patrick Dubé, le chargé aux communications et médias sociaux de l'événement. Bonsoir. Bonsoir, Audrey. Alors, on voulait parler de cet événement, donc la Rencontre internationale d'art performance de Québec, qui est devenue une sorte d'institution au fil des années, avec le temps, parce qu'il faut dire qu'on en est rendu à la 19e édition. Donc, on parlait d'une 31e année d'existence quand même. C'est peu dire sur ce festival, cet événement-là, qui a commencé quoi, vers les années 80, je pense? Ben, ça dépend. Si on considère le premier événement qu'on a organisé, Art et Société, c'était en 81. Mm-hmm. Mais c'était un événement dans lequel il y a même une expo au Musée du Québec, etc. Mais il y avait un petit volet, autrement dit, de performance. Ouais. Entre autres, je me souviens, Alice Nayos, qui avait fait aussi l'autocar artistique, qui avait été assez, par rapport à l'époque, qui était assez innovateur. On avait loué un autobus, et à l'intérieur de l'autobus, toutes les fenêtres étaient fermées, et il y avait une espèce de cassette où on reproduisait une visite à l'intérieur de Paris. Okay. Alors, l'autobus s'est promené dans le Vieux-Québec, un peu partout, puis tout à coup, là, on entend dire « Voici, nous sommes de maintenant devant le cimetière du Père-Lachaise », etc., mm-hmm. comme des trucs de touristes. Bon, c'était à Art et Société en 81. Après, en 84, on a fait la première vraiment festival nommé comme tel festival d'intervention avec dans lequel il y avait beaucoup d'artistes de Fluxus à l'époque. Mm-hmm. On a fait le festival en 84. Puis après, 86 aussi. 86, c'était intéressant parce qu'on a travaillé beaucoup à l'époque avec l'œil de poisson et le défunt obscur qui avait beaucoup de technologie. Alors, ça avait été un événement intéressant. C'était le début, d'un coquinage entre les centres d'artistes ici à Québec qu'on a mm-hmm. continué par après, évidemment, avec les jumelages qu'on a fait jusque cette année dernière avec l'échange qu'on a fait avec Bangkok. Exact. Mais donc, ces festivals-là nous ont permis aussi de cimenter ici à Québec un peu aussi. Le festival de 88, entre autres, il y a plein de gens qui sont maintenant à recto verso. Il y a même Régent Perron qui est rendu directeur du Conseil des arts et lettres, pas du conseil, mais des programmes, qui travaillait avec nous. Émile Morin, il travaillait en 88 avec nous, qui maintenant est dans le mois multi. Donc, c'est en 88. Après coup, on a faire des appellations plutôt sur la Rencontre internationale d'art performance. Mm-hmm. Je pense que le premier, ça a été en 94. Oui, officiellement, ouais. C'est ce que j'ai lu. Puis en 96, on avait fait un événement plus avec télévision interactive, bon, etc. On a essayé beaucoup de thématiques ou de processus. Mm-hmm. Et puis, on est revenu dans les dernières années, surtout depuis 2008, à faire des festivals, comme on fait toutes les deux ans, sur des thématiques en provenance de zones géographiques différentes. C'est ça, parce que dans le fond, quand on va à la RIAP, c'est vraiment, on découvre des artistes de différents pays. Et là, cette année, on en a 6 au cours de 6 soirées qu'on va pouvoir découvrir. Exactement. Ben, les jeudis, vendredis, samedis de cette semaine et de la semaine prochaine. Donc, en ordre, ben, c'est jeudi, on commence avec le Canada maritime. Mm-hmm. Vendredi, le Pérou. Samedi, Taïwan. Jeudi prochain, le Portugal, suivi de vendredi, l'Allemagne. Et on termine avec la Slovaquie samedi pour la Rencontre internationale d'art performance. Et puis, les artistes qui sont choisis, Richard, tu es directeur artistique, mais c'est en collaboration avec des commissaires de chacun de ces pays que ça fonctionne. J'aime mieux faire ça comme ça parce que ça nous amène de la surprise, mm-hmm. et ça me permet à moi aussi de dire c'est pas mon goût qui va décider de ce que c'est que les gens vont pouvoir recevoir comme émanation, mais mm-hmm. en même temps, ça nous permet aussi de conforter ou du moins de renforcer le réseau. Je donne comme un exemple, c'est que quand on avait fait les Suisses il y a quelques années, il y a un organisme qui s'appelle Pro Evesia, c'est un peu comme un conseil des arts, mm-hmm. qui avait même injecté, appelons ça le fric, le bon québécois, directement chez nous, au lieu, et pour qu'on puisse payer le transport des artistes. Donc, en faisant comme ça par zone géographique, ça permet dans chacune des places que les artistes puissent revendiquer des meilleures conditions, aller chercher de l'aide supplémentaire. C'est le cas spécifique maintenant avec mm-hmm. avec la Slovaquie, parce qu'il y a un organisme dont j'ai oublié le nom qui va donner des billets d'avion aux artistes parce que ils deviennent comme un pays invité dans un festival international. Alors c'est plus facile, autrement dit, de briser les portes de la bureaucratie en ayant ce genre d'attitude ou du moins de corpus un peu disciplinaire. Puis en même temps aussi, ce qui est intéressant, en tout cas pour avoir déjà assisté, c'est de, j'imagine, on découvre aussi les réalités de chacune de ces zones, de ces pays-là, au travers des performances qui justement, ces réalités-là sont bien différentes d'un pays à l'autre? Paradoxalement, effectivement, on le vérifiait régulièrement, entre autres la soirée brésilienne, où là, c'était comme un carnaval. Il y avait, il y avait un début, une fin, il y a quelqu'un qui a fait 3 performances pendant cette soirée-là. Donc, c'est sûr que ça permet à ces gens-là de peut-être plus travailler sur leur niveau culturel, leur identité culturelle. Oui. Parce qu'ils savent qu'ils sont à l'intérieur d'un festival dans lequel on demande s'il y a une spécificité, autrement dit, culturelle dans ces zones géographiques-là. Et habituellement, on met toujours deux pays d'Amérique ou Amérique latine, deux pays d'Europe et deux pays d'Asie. Sauf que là, cette fois-ci, ça a été un peu compliqué. On n'a pas réussi à recevoir les artistes d'Indonésie. C'est parce que c'est très compliqué. Oui. Fait que dans le fond, c'est intéressant pour les gens qui sont peut-être moins familiers aussi. Ça nous donne vraiment un aperçu de ce qui se passe un peu au travers le monde en performance. Et puis, Patrick, il y a un nouveau lieu également qui est à présenter, là, que vous occupez cette année, qui est sur la rue Saint-Joseph. Oui, bien, dans le fond, les soirées de performance se passent au 736 rue Saint-Joseph-Est à 20h et les conférences passent au lieu centenaire actuel, au 345 rue du Pont, à 13h le dimanche. Oui. Donc, oui, c'est une immense salle. Pour les gens, si ça peut les aider, je crois que c'était l'ancien Artec en face de Poutineville. Donc, voilà, c'est un immense lieu avec une mezzanine, un sous-sol en plus. Donc, les artistes ont vraiment un immense choix d'espace. Un terrain de jeu, finalement. Exact. Et oui, ça va donner vraiment quelque chose d'intéressant, je pense, comme performance, parce qu'il va y avoir vraiment des approches complètement différentes dans des environnements complètement autres. Peut-être on va pouvoir se déplacer vers le sous-sol, rester au rez-de-chaussée, peut-être monter sur la mezzanine. Reste à voir. Oui. Et puis, il faut dire, donc, tu as glissé au travers de ça qu'il y a des conférences le dimanche, les deux dimanches, là, le 18 et le 25, donc qui nous permet encore une fois d'approfondir, je pense, un peu sur l'art performance de chacun de ces pays-là. Exactement. Puis une chose qui est importante, c'est il y a tout un animateur. Donc, le premier dimanche, le 18, c'est Constanza Suarez Camelo qui va animer la conférence. Donc, si certains artistes parlent seulement espagnol ou anglais, donc elle a traduit, a fait tout un suivi. Donc, c'est déjà intéressant. Et le prochain dimanche, ça va être animé par Michael Lachance. C'est les conférences CELAT. Donc, ça a été un partenaire pour l'événement. Oui. Et puis, en plus de ça, eh bien, l'événement ne reste pas qu'à Québec. Il va circuler. Hein? C'est quand même une petite, je peux dire, pas une tendance, mais on voit aussi avec Art Nomade qu'il y a cette volonté de, oui, présenter un festival dans le lieu d'origine de la ville, mais après ça, de pouvoir aller vers d'autres régions au Québec. Mais ça fait quand même depuis quelques éditions qu'on le fait. Oui, c'est ça. Mais là, le réseau est plus développé. Là, maintenant, on a 7 villes qui vont recevoir des artistes. C'est d'ailleurs assez compliqué au niveau de la gestion. Mais en même temps, ça permet, bon, à Trois-Rivières, ils vont faire une soirée de performance avec 2 Allemands, mais ils vont greffer des artistes locaux. Okay. Alma, je pense, la même chose. Aussi, peut-être à Sporobol, à Sherbrooke. Mm-hmm. Bref, ça permet d'emmener du 109 aussi, puis de l'innovation avec des artistes qui viennent de d'autres pays. Et ces artistes-là aussi, ça leur permet de mieux connaître notre identité culturelle, parce que aller à Chicoutimi, c'est pas la même chose que Montréal, ou Québec n'est pas la même chose que Rouyn-Noranda. Donc, c'est sûr que les gens, habituellement, qu'on invite, sont très, très satisfaits, très heureux d'aller en région. Mm-hmm. Parce qu'ils voient que les gens sont très chauds, très chaleureux. C'est pas la même... Il y a beaucoup de monde qui s'en vont dans les... Oui. On est surpris toujours dans les festivals qui Chicoutimi, Alma, il y a pas mal de public. C'est surprenant. Oui, et puis je me dis, c'est une belle manière aussi d'amener peut-être ce type d'art qui est peut-être moins en région, peut-être, j'imagine. Il y en a des centres, là, je pense notamment à l'Écart, à Rouyn, où il y a coutume d'y avoir de temps à autre, ou à Chicoutimi, mais quand même... Ils font un festival aussi à Rouyn-Noranda, mais à tous les 2 ans. Je pense que c'est cette année aussi, c'est au mois d'octobre. D'accord. Mais oui, ça permet à certains centres, comme à Victoriaville, Trois-Rivières, de diffuser la discipline, la performance, qui parfois sont plus ouverts, donc des fois, ils vont présenter plus de la peinture ou d'autres choses. Donc, ça amène une discipline qui est diffusée dans leur région. Parfait. Notre festival est bien apprécié à ce niveau-là aussi, justement à cause des discussions qu'on fait. C'est qu'on on améliore le statut de la discipline, si on peut s'exprimer ainsi. On la fait avancer. Et ici, au Québec, ben, c'est maintenant dans les régions. Mais à Montréal aussi, on envoie dans la région montréalaise. C'est une région aussi. Et puis, ben, comme on ne peut pas vraiment parler des performances parce qu'on ne sait pas exactement ce que nous réservent les artistes, est-ce que vous êtes en mesure peut-être de nous dire s'il y a peut-être quelques soirées qui retiendraient votre attention, par exemple, pour quelqu'un qui aurait envie de découvrir le festival, mais qui ne sait pas trop par où commencer? Ben moi, j'ajouterais qu'on commence cette semaine pour découvrir. Et jeudi, vendredi, samedi, c'est tellement varié. Donc, mm-hmm. Pérou, Taïwan, Canada. Donc, il y a vraiment un clash, là. Soir après soir, on va voyager. On va découvrir des choses, des sensibilités artistiques. Mm-hmm. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Parfait. Oui, c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup de festivals maintenant. On est très surpris. Moi, j'ai fait un workshop là, il y a un an et quelques à Lima, au Pérou. Mais le plus que j'ai été surpris dernièrement, c'est que j'ai fait un workshop à Yaoundé, au Cameroun, au mois de juillet. Et j'ai été surpris de voir la qualité des performeurs. D'ailleurs, c'est probablement qu'on va les inviter pour l'an prochain aussi. D'accord. Les artistes de. C'est rare qu'on ait des artistes africains aussi dans nos centres d'artistes. Et oui, c'est vrai, c'est vrai. Mm. Et puis, vous avez coutume aussi à chaque année de suivre un peu plus tard là, avec une publication. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, toujours. Pour cette année. Donc, me semble que c'est sorti il n'y a pas si longtemps, celui-là de 2014. Il est sorti l'an dernier, en septembre. L'an dernier, OK. Ouais. Parfait. Donc, c'est toujours intéressant parce que ça nous permet de faire un retour à la fois sur l'événement, mais aussi les conférences. Et il y a aussi toujours un DVD qui accompagne la publication. Donc, pour ceux qui sont intéressés par leur performance, ça vaut la peine d'y jeter un œil. Et bien, peut-être terminer en rappelant aussi que les laissez-passer sont en vente. On peut s'acheter pour tout le festival, mais aussi y aller à la soirée également. Exactement. Donc, comment ça fonctionne? Mais pour se procurer le laissez-passer, c'est simple. Soit passer au lieu centre en heure actuelle, à la porte le soir même, c'est possible de s'acheter le laissez-passer ou payer au billet. Et aussi à Manif d'art, Galerie 3, Chambre Blanche et si je me trompe pas, il me manque l'œil de poisson, exactement. Donc, c'est possible de s'y procurer là aussi. Donc, gênez-vous pas, allez-y. À l'entrée, sinon. Exactement. Oui. Et c'est ça. Dans le fond, la performance, si on pourrait, je sais pas si on clôt le sujet ainsi, mais c'est un laboratoire artistique. Donc, c'est vraiment là pour découvrir des choses, être ouvert à tout ce qui peut se produire et juste en profiter. Ça, un contact humain aussi. Exactement. Vis-à-vis l'artiste, là, ça, c'est assez intéressant d'être confronté à ça. Puis on est souvent, il y en a qui aiment ça nous dérouter puis nous sortir de notre zone de confort. Exactement. C'est aussi une des buts des pratiques artistiques, c'est de nous faire réfléchir, remettre en question nos valeurs souvent, ou remettre en question notre manière d'envisager les choses. S'il y a encore un festival où j'ai participé à Yaoundé, puis si Shuji Shimoda a fait aussi lui un festival, un workshop au Bangladesh, ça veut dire que maintenant la performance est pas mal partout. Exact. Bon, mais on invite tout le monde à aller justement entre le 15 et le 25 septembre assister au moins à une soirée de cet événement, donc la rencontre internationale d'art performance de Québec. Merci Richard Martel et Patrick Dubé. On vous souhaite un très bon festival. Merci beaucoup. Merci. Alors nous, on s'en va faire une courte pause audio. Toujours Anitech, cette fois-ci avec Tab, et c'est Back to Me. I keep thinking you'll come on back to me. You'll come on back to me. You'll come on back. I keep De retour à l'aérospatial avec cette fois-ci Caroline Gagné. Mais juste avant, c'est vrai, j'avais promis à Richard et Patrick que j'allais vous dire d'aller consulter le site internet riap2016.org si vous voulez tout savoir justement du fameux festival dont on vient d'art performance dont on vient de parler. Donc, Caroline Gagné, bonsoir. Bonsoir. Alors, Caroline, donc, peut-être rappeler que tu es directrice artistique du Centre d'artistes Avatar et tu es ici pour qu'on discute très brièvement un peu de ces capsules. On s'est croisés au cours de l'automne puis on se disait, ah, crime, ça serait le fun de faire quelque chose parce que la Croche-oreille, qui était cette émission d'art audio diffusée sur les ondes de CKRL, on avait envie d'y donner une suite, en quelque sorte, avec Avatar, lui donner une autre voix aussi. Et on a parlé de faire des petites capsules, là, oui. Finalement. Bien, en fait, puis pour mettre en contexte, je vais quand même commencer par introduire la Croche-oreille, bien cette sûr. Fameuse émission du dimanche soir avec nos deux acolytes qui étaient Jean-Pierre Gay et Gaétan Gosselin. Oui. Donc, je pense que c'est Jean-Pierre qui avait eu cette idée-là de faire oui. une émission sur l'art sonore. Donc, l'art sonore, évidemment, comprend toutes sortes d'œuvres qui peuvent être des installations, de la performance, tout ça, mais il y a une grande portion qui se retrouve à être des œuvres stéréo, donc c'est ou de la narration, ou en tout cas, c'est tellement proche d'une manière de la radio. Mm-hmm, exact. Donc, cette émission-là, qui se déroule le dimanche soir à 21h, va reprendre en janvier. Ah, ben super! Jean-Pierre veut se consacrer à d'autres projets, mais Gaétan n'était pas capable, même si c'est du travail de prévoir une programmation, tout ça, il était là, non, j'ai trop le goût de le faire. Mais entre-temps, je me disais, crime, oui, on devrait, nous, Avatar, on a toujours soutenu cette émission-là. Mais puis là, devant ton enthousiasme aussi de donner, d'interpeller oui. aussi toute la communauté artistique dans toutes les disciplines là, mm-hmm. pour l'émission L'aérospatiale, ben on se disait que oui, des petites, on cherchait là, puis des petites capsules, je trouvais que c'était une bonne idée. Fait que j'en ai parlé à Gaétan, puis lui aussi, il trouve que c'est super. Fait que... C'est ça. Donc, dans le fond, de brèves capsules d'environ, quoi, 3 ou 4 minutes à peu près, qu'on va diffuser probablement autour d'une fois par mois ou quelque chose comme ça pour faire découvrir des artistes d'art audio, des oui. gens qui sont passés par Québec ou qui sont actuellement aussi ben, à Québec. Déjà, l'émission La Croche-oreille, Gaétan, il m'a parlé un peu de ce qu'il commençait à préparer pour l'hiver, puis c'est quand même une émission qui n'est pas dédiée aux artistes qui viennent à Avatar. C'est vraiment mm-hmm. sur l'art sonore. Fait que, par exemple, il veut préparer une émission spéciale sur les sonorités enfantines oh. dans des œuvres d'art audio. Mm-hmm. Puis, c'est sûr qu'on profite des artistes qui viennent à Québec, okay. soit en résidence à Avatar ou dans d'autres contextes de Méduse Monde ou autres. Par exemple. Ou, par exemple. Et les capsules, on veut que ça soit un petit peu de la même façon. C'est-à-dire que... Bon, on s'est dit qu'on en ferait, mettons, une dizaine là, d'à peu près ça, 3-4 minutes. Fait que j'ai envie que ce soit super ouvert, soit des collaborateurs qui sont pas nécessairement dans la programmation, mais que je me dis que ça peut faire connaître. Ça donne une possibilité de plus de faire découvrir d'autres artistes, d'autres approches en art audio. Puis comme le format est bref, mm-hmm. Quelques minutes, c'est autre chose là, que de préparer des longues entrevues, tout ça. Fait qu'on se disait que ça peut être soit une brève présentation d'une pièce spécifique, puis mm-hmm. de faire jouer cette pièce-là, ou l'artiste qui parle de son c'est travail, ça, par exact. Exemple, fait se que ça présente. Peut être, ouais, ça mm-hmm. peut même... être super varié comme ça. Fait que je me disais que pour l'émission, ben comme ça, tu pourrais l'utiliser soit avec tes thèmes ou ce qui se passe dans l'actualité artistique. Exact. Et puis, il faut dire aussi aux auditeurs qu'il va y avoir aussi une continuité. Enfin, j'ai envie aussi que ça se continue sur notre page web, notre blog, justement, pour que vous puissiez, comme 3 minutes, 3-4 minutes, c'est pas très long, hein, aussi, il faut le dire, pour en parler, mais qu'on puisse mettre plus de contenu, extrait d'audio, une présentation, un petit billet là, qui accompagne le tout. Donc, je pense que ça va être vraiment intéressant aussi, puis ça va permettre à l'émission de comme aussi aller chercher cet aspect-là. Donc, on n'a pas tout le temps l'occasion de parler souvent ici, soit parce que c'est des résidences ou il n'y a pas des tonnes aussi d'événements en art audio à Québec. C'est donc, ça. C'est sûr que comme on est d'abord un centre qui fait de la production, qui soutient les artistes dans leur recherche, ben on n'a pas tellement de vitrines comme si on avait une galerie ou quelque chose qui est vraiment dédié là à diffuser leur audio. Donc des possibilités comme ça, je trouve ça tellement le fun, comme ça ça fait des liens, ça fait des liens entre les pratiques, les artistes. Donc je trouve ça super de pouvoir avoir une place comme ça à l'émission L'Aérospatiale. Et oui, donc à suivre, probablement une première capsule à venir dans les semaines qui suivent. Certainement. Et puis aussi ben on va dire aux gens de rester fidèles au poste de la Croche-Oreille au retour en janvier, parce que c'est ça, je regardais à quel moment, puis j'arrivais pas à trouver quand est-ce que ça allait revenir, mais c'est je connais pas la date exacte. En tout cas, ça va demeurer dans la plage horaire du dimanche soir. Mm-hmm. Puis là, Gaétan, comme il est maintenant le principal capitaine du bateau, il va aussi aller se chercher une série de collaborateurs qui vont venir peut-être pour une émission. Puis ça va filer comme ça jusqu'au mois de mai. Ah, puis c'est intéressant parce que je sais que c'est le voisin de case horaire de Simon Roy, notre collaborateur qui fait notre sélection musicale à chaque semaine, donc avec son émission web musique. Alors on va pouvoir C'est une belle dynamique, bon, tout ça, ouais. Un bon complément. Mmh. Eh bien, Caroline, je te remercie beaucoup. Bien sûr, on peut suivre vos activités d'Avatar via les réseaux sociaux, mais aussi le site avatarquebec.org. Tout à fait. C'est là qu'on actualise chaque activité. Exact. Alors, merci beaucoup, Caroline. Merci, Audrey. Alors, nous, on s'en va pour les pauses publicitaires et on revient en deuxième moitié d'émission avec Émilie et Julien. Le Bal du Lézard est fier d'encourager les talents d'ici et vous présente cette soirée. Les retardés mentaux sont toujours un peu réticents à l'idée du changement. CKRL 89A. Le rendez-vous culturel du mercredi, c'est l'émission Jamais comme tout le monde animée par Tania Beaumont. De 17h30 à 19h30, en direct du bar Le Sacrilège, Tania reçoit des artistes d'ici et d'ailleurs en entrevue et prestations. Ses collaborateurs proposent des découvertes artistiques ou autres curiosités et l'équipe promet de ne pas vous laisser partir les mains vides. Parce qu'à CKRL et au Sacrilège, on ne fait jamais rien comme tout le monde. Qu'on se le dise, folk d'Amérique est de retour. Chansons contestataires, blues ou country d'Amérique, vieux folk songs d'Europe ou d'Afrique. Avec des noms célèbres, Bob Dylan, Neil Young, Johnny Mitchell ou Florent Volant, et des jeunes comme Leila McCalla ou Les Chercheurs d'or. Les mardis soirs à 19h30 avec Gilles Chaumel sur les ondes de CKRL. Fabien Gabel vous invite à découvrir la nouvelle saison de l'Orchestre symphonique de Québec, avec une programmation exceptionnelle qui célébrera la richesse du répertoire symphonique. Marie-Nicole Lemieux, Karen Gomiot, André Laplante, le prodige Charles-Richard Hamelin, Yoav Talmi et Louis Lortie. Autant d'artistes prestigieux pour autant de rendez-vous inoubliables. L'OSQ, le meilleur du classique. Tous les détails sur osq.org, Hydro-Québec, partenaire de saison. Du 15 au 25 septembre, l'art performance envahit la ville de Québec. La 19e édition de la Rencontre internationale d'art performance présentera des artistes du Canada, du Pérou, de Taïwan, du Portugal, de l'Allemagne et de la Slovaquie. 24 artistes présenteront des performances au 736 rue Saint-Joseph-Est du jeudi au samedi à 20h. Les conférences CELA se dérouleront les dimanches 18 et 25 septembre à 13h au lieu Centre en art actuel, 345 rue du Pont. Les laissez-passer et billets sont en vente à la porte les soirs de performance. Information riap2016.org. L'Aérospatiale vous est présenté en collaboration avec la revue Inter, le magazine en art actuel. We'll be right back. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale en compagnie de Audrey Caro et on entame cette deuxième demi-heure avec un ancien collaborateur, Julien Saint-Georges, bonsoir. Allô, allô Audrey. Ça va bien? Ça va toi? Oui, très bien. Donc, et on a aussi une nouvelle collaboratrice, Émilie Porakia. Ça allô? Va? Oui, ça va bien. Excellent. Donc, on est ensemble ce soir. On avait envie de faire un petit retour sur les expositions qui ont ouvert à Méduse vendredi dernier et notamment, en tout cas, il y en avait trois en particulier, mais je pense qu'on si on a le temps au cours de du prochain 20 minutes, on pourra aborder aussi peut-être les autres qui étaient présentées. Peut-être on peut commencer avec toi, Émilie. Retenu un peu ton attention, c'était l'exposition de François Mathieu, Travaux armillères à l'œil de poisson. Ben oui, en fait, c'était vraiment dans le cadre de la belle soirée créative. C'est tout nouveau, hein? Donc, il faut que j'arrive à me placer. Ça va. Donc, je m'excuse aux auditeurs. Mais donc, c'est ça, c'est dans le cadre de la belle soirée créative vendredi dernier où il y avait quand même beaucoup de belles expositions, comme tu disais, Audrey. Mais mon coup de cœur a été celle de François Mathieu. C'était vraiment une découverte pour moi. Je connaissais pas vraiment son travail. Je me suis rendu compte en me baladant son site Internet que j'avais vu quelques œuvres extérieures d'art public, notamment à Lévis, mais j'avais pas vraiment vu ce que c'était. Et moi, j'aime beaucoup ça, découvrir de nouveaux artistes, puis ça me permet de toujours creuser à part après l'exposition, savoir ce que j'ai ressenti, c'était vraiment ce qu'il avait voulu nous faire transmettre, etc. Puis, pour la petite histoire, il y avait une de mes amies qui était avec moi, qui était la grande découverte dans les arts visuels aussi. Mm-hmm. Donc, elle pose toujours tout plein de questions. Donc, ce qui fait que ça nous a permis aussi de... Il en faut des questions. Il faut poser des questions. Tout à fait. C'est un peu personne, pas de filtre, qui vous pose des questions, ou moi, je m'en osais. Donc, c'était très intéressant de voir. Mais toutes les deux, on a été vraiment surprise par le mélange des matières, de l'exposition de François, que ce soit autant le bois, l'étang, le béton aussi, le cuir. Ouais, c'était vraiment quelque chose d'assez impressionnant de voir ce qu'il en a fait aussi. Et ses formes rondes, vraiment, tout en rondeur, tout en... J'oserais même dire en finesse, même s'il y a du béton, il y a des matières brutes. Oh, moi, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait quelque chose d'assez en finesse, de maternel. Puis j'avais lu que c'était un petit peu ça qui cherchait aussi le rapport un peu maternel avec le monde. Mm-hmm. Donc c'était vraiment, en tout cas, c'était vraiment une très belle découverte. J'ai passé beaucoup de temps, que ce soit dans la petite et la grande galerie. Il faut vraiment faire les deux. Je trouve que ça se complète vraiment très bien. Donc il faut dire que c'était une invitation aussi, une carte blanche qu'il a reçue de l'œil de poisson également pour débuter la programmation. Puis c'est un artiste quand même qui a une carrière assez honorable derrière la cravate aussi. Oui, puis c'était un retour à l'œil. Je pense qu'il avait exposé il y a 22 ans au début de sa carrière. Il a exposé plusieurs fois là, à l'œil en 94, 98, 2003. Bref, un artiste que, comme on disait, 25 ans de carrière. Puis en tout cas, en regardant un petit peu sa biographie puis son site, que j'invite les auditeurs à aller voir, parce que vraiment c'est un site déjà qui est très bien fait, puis les photos de ses arts publics sont vraiment absolument magnifiques. Et à chaque fois, on voit qu'il y a toujours un peu la rondeur qui revient. Il y a quand même une thématique qui, même si elle est faite de manière différente, il arrive toujours à revoir un peu. On voit qu'il y a un fil conducteur, un fil rouge qui revient. En tout cas, ça m'a vraiment frappée lorsque j'ai visionné les photos sur son site et quand j'ai vu l'exposition à l'œil de poisson qui va être là, je pense, jusqu'au 9 octobre, exact. Si mes souvenirs sont bons. Donc, c'est pas mal ça. J'ai vraiment, vraiment cité. En tout cas, j'invite vraiment les auditeurs à aller voir, à s'immerger vraiment dans l'ambiance, prendre le temps de regarder chaque pièce, même si on a l'impression au premier coup d'œil que on a tout vu, on a fait le tour, si je puis dire, parce que c'est une sphère, mais faut vraiment découvrir chaque côté de la sphère. Se déplacer, notamment, je pense aux pièces qui sont avec le mur tout au centre, fait. Ça là, particulièrement le, ça je dis le mur, la cimaise qui est là en plein centre de la pièce, finalement elle devient une partie de ça ces fait... sculptures-là. Elle, c'est pas juste un élément, ben, pas décoratif, oui. mais un élément architectural simpliste, mais vraiment, il se passe quelque chose tout avec ce fait. Mur. Puis, comme tu dis, en se déplaçant autour de ces pièces-là, on en voit toutes sortes de points Exactement. De vue qui nous amènent quelque chose de nouveau à chaque fois. Mmh. Et puis, il faut dire aussi que François, c'était intéressant, ces propositions-là. On est dans, oui, plus dans l'ordre de la sphère, hein, mmh. De la forme, si mmh. on peut dire, et de la matérialité, mais François aussi, est beaucoup connu pour ces espèces de machines un peu... des outils oui. un peu. Oui, oui, c'est ça. C'était vraiment ça. On dirait qu'il voulait former quelque chose d'autre. Oui. Ou comme que c'est ça, c'était des éléments finalement qui se complètent ensemble. Fait que... Ah non, ça, on sentait comme toujours le côté, comme tu disais, organique ou naturel. Avec mm-hmm. le côté de la machine, mm-hmm. on dirait qu'il... qui se fusionnaient ensemble. Ben, c'est ça, la machine, c'est beaucoup dans ces pièces précédentes, quoique certaines pouvaient peut-être, là, on pense à cette sphère qui est faite avec les cannes à pêche ouais. ou quelque chose comme ça. Il y a, enfin, il y a vraiment quelque chose d'intéressant, ou les poulies aussi, mm-hmm. hein, les cordes avec ouais. les poulies mm-hmm. et tout, les jeux de poids, ouais. en même temps contrepoids, ça, j'ai trouvé ça assez ah. intéressant. Enfin, ah bon. Comme vous voyez, ça vaut le détour d'aller à non. l'œil de poisson. Mm-hmm. On va peut-être aller voir du côté de Engram. Oui. Julien, tu es allé voir l'exposition de Michel Boulanger Exactement. Qui s'intitule Air de traite. Air de traite. Air de traite, puis c'est assez littéral là-dessus, la traite, dans le fond, dont mm-hmm. il parle. Vous allez voir, vous allez rentrer, dans le fond, à Engram, et il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas d'objets. Hein? Donc, mm-hmm. c'est de l'affichage, c'est de l'impression. Dans le fond, il y a eu deux, c'est trois toiles. De plastique qui ont été imprimés à jet d'encre mm-hmm. On voit dans le fond des machines. C'est vraiment de la machinerie agricole. On reconnaît tout de suite là comme que un côté agricole là-dedans. Puis surtout au deuxième, vous allez voir dans le fond il y a une des fenêtres qui est bouchée au deuxième étage. Et là on voit même les vaches finalement dans une treilleuse. C'est vraiment ça qu'ils représentent. Mm-hmm. J'ai fait même ma petite recherche et c'est vraiment des nouvelles treilleuses qui sont utilisées en ce moment. C'est des carrousels. Finalement. Donc, les vaches peuvent rentrer comme elles le veulent dans la treilleuse. Et là, tout est robotisé à partir de là. Donc, ce qui nous représente au deuxième étage, c'est ça. C'est comme si tout d'un coup, la galerie d'Engram avait sa treilleuse au deuxième étage. Donc, vraiment, l'illusion, là, le trompe-l'œil est très, très réussi. On comprend pas trop, en fait, parce que l'angle fait qu'on est vraiment comme si on était en dessous, finalement, de la treilleuse. On voit juste un peu les vaches. Finalement. Et tout ça est fait, c'est de la modélisation 3D okay. qui nous propose. Donc, on sent que c'est très, très précis. Hein, on a l'impression que c'est un plan d'architecture ou un plan pour justement faire le design et la conception de la treilleuse. Le logiciel qu'il utilise, pour ceux qui voudraient s'y lancer, c'est le logiciel Maya. D'ailleurs. Donc, c'est ça. Il y a un jeu avec l'espace aussi. Oui. Comment il a placé ça? T'sais, c'est pas, mm-hmm. c'est pas une expo classique, non, par non, exemple, non, non, où on a des œuvres sur le mur, mais il a travaillé avec le lieu, avec l'espace. Il a peint même des tuyaux. Des tuyaux. Il en a rajouté ouais. aussi. Pour mm-hmm. vraiment comme, ça crée un lien visuel très... très simple, dans un sens, c'est juste ça nous amène à regarder vers le haut, finalement, puis ça crée aussi vraiment, comme tu dis, l'espace qui est complètement différent. Puis il y a même une toute petite galerie qui s'est comme créée au fond de la grande galerie d'Engram, où là, on voit encore des modélisations 3D, mais cette fois-ci du plafond et d'autres angles de la galerie elle-même, qui lui-même a encore redessiné la galerie pour juste nous redonner un nouveau point de vue sur des éléments qu'on voit pas souvent, justement, t'sais, on rentre pas dans une galerie et là, on se dit, on va tout de suite regarder le plafond, t'sais, on recherche plutôt l'œuvre. Donc, il nous présente on pourrait dire, il déconstruit l'espace pour en créer des nouveaux. C'est vraiment ça qui conçoit. Puis les trompe-l'œil sont comme, c'est étonnant, en fait, d'arriver mm-hmm. parce que t'as l'impression de voir les plans de quelqu'un. Puis finalement, tu ne sais pas si c'est exactement là. La profondeur est vraiment bien réalisée. En tout cas, c'est un très bel environnement qui nous crée là-dessus. Là. J'ai été assez surpris. Puis je trouvais ça plaisant de voir comme une treilleuse, comme un éléphant tellement comme mécanique, tellement... C'est ça, c'est artistique. C'est pas un sujet très artistique à la base, c'est ça. Là, faut le dire. Hein? Exactement. C'est ça, on s'en doute pas tout de suite. Là, tout d'un coup, juste avec le dessin de la modélisation, ça devient juste un entrelac de lignes, puis c'est très dynamique tout de même. Fait que, oh non, j'ai été Bien ça, ça fait du bien de voir la galerie d'Angram aussi, que dans le fond, qu'on se permette cette exploration-là, parce que c'est pas un espace évident. Il faut le rappeler, si les gens ne sont pas allés, là, c'est vitré de chaque côté. C'est la pointe de Méduse, mais en même temps, c'est toujours un défi de travailler avec cet espace-là. Puis je pense qu'il relève le défi haut la main, vraiment. Puis il montre à quel point c'est un bel espace. Exact. Des fois, peut-être on peut l'oublier, comme comment une galerie en somme peut être un bel espace en soi. Puis lui, il va à fond là-dedans. Oh, j'ai beaucoup aimé. Alors, cette exposition-là, il faut le dire, elle est jusqu'au 16 octobre. Ouais, exact. Exactement. On va avoir l'opportunité de voir, donc ça vaut la peine de faire un petit détour. Mm-hmm. Ben, si vous voulez bien, on va prendre une courte pause audio, histoire de se replacer les idées pour mieux poursuivre au retour. Oui. On s'en va écouter Birdman. Alors, on poursuit notre survol de cette rentrée médusienne, hein, si on peut dire, de la semaine dernière. Et on va s'intéresser cette fois-ci à Jocelyn Robert, donc, qui est à la banque de vidéos, une exposition intitulée « Beluga ». Très simple, hein, qui va se durer jusqu'au 9 octobre aussi. Là, ceux qui sont peut-être familiers avec le travail de Jocelyn Robert, on est vraiment dans la même lignée que le projet qu'il avait notamment présenté au Matin Fidèle au musée. National des Beaux-Arts, Blue Empire, New York, Babel, Billboard. Mm-hmm. C'est vraiment un vidéo finalement qui est composé d'images fixes. Donc, Robert utilise un algorithme qui va chercher les images vraiment comme une recherche Google dans le fond, sur toutes les images du web avec, pour le projet au Matin Infidèle, c'était l'Empire State de New York, mais pour le projet Beluga, et donc il est allé chercher les Belugas, il est allé à la pêche aux mammifères marins, et donc il a trouvé, il en parle dans le petit cartel, c'est des images par un effet d'accumulation d'images par morphose, donc il y a un mouvement qui est créé, mais finalement, c'est simplement par l'accumulation et la disparition simultanée d'images. Puis la disposition aussi ces images-là, parce que avec Blue Empire, je me rappelle, on était plutôt assez frontal, puis ça bougeait comme autour d'un centre, alors que là, au contraire, il y a un mouvement de gauche à droite, à gauche qui se crée, et puis on voit que les images sont pas tout le temps droites, mais t'sais, peuvent être de biais en diagonale ou autre. Ouais, sans qu'ils aient modifié peut-être un petit peu, justement. Il voulait vraiment reproduire le mouvement de la nage, il disait, finalement. Mais ça s'est bien reproduit, moi, je trouve. Ça m'a pris du temps avant de me rendre compte que c'était des images fixes. Je me suis dit... Moi aussi. Je trouvais ça intéressant. Mm-hmm. Moi, je connais beaucoup tout un peu la gamme des automoirés qu'ils faisaient. Donc, j'étais partie. Donc là, Je dis, ah, mais il s'est lancé dans la vidéo. Puis je trouvais ça intéressant, mais c'est vrai qu'après, en lisant le petit cartel, je me suis dit, mais non, c'est le même procédé. Moi, c'est le même procédé, mais c'est le fait que ce soit les images fixes qui essayent de reproduire justement un mouvement, j'ai trouvé ça assez intéressant à voir. Et en le sachant, je vais y retourner pour mieux, mieux saisir la peu plus exactement. Oui, oui. Puis ça donne un effet de flou aussi, parce qu'il faut dire, ces images-là ne sont pas, comment dire, très opaque aussi, non. Donc il y a une espèce de mouvement, une sobriété, oui, dans l'image, mais aussi un flou, moi, je trouve qu'il donne une très belle poésie tout à aussi fait. À ce montage-là. Non, c'est ça, c'est... Ben, moi, j'aime... Tu sais, il en parle dans le cartel, il parle comme de la surpêche, puis justement, tu sais, récemment, il me semble que le beluga, en plus, est passé d'une espèce menacée, mais comme est devenu encore plus menacé, en extinction, je pense. En tout cas, c'est protégé. Oui, oui, c'est, il est dans le, je pense qu'il est dans le haut. Bon, on le sait, ça le fait l'actualité aussi depuis quasiment un an et demi, deux ans. Là, ça fait l'actualité, les belugas du Saint-Laurent. On a même vu passer tout près de Méduse des manifestations aussi, des c'est gens. Ça. Donc, effectivement, c'est un sujet qui est aussi très, très d'actualité. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Mais ce que je me disais, c'est... Là, je sais, ça, c'est peut-être mon interprétation personnelle, mais peut-être rendu là, comme ces images-là, finalement, qui sont rendues sur Google, tu sais, ça va être peut-être les... Dans comme 15... On espère que non, là, mais dans 15-20 ans, peut-être que ça va être les seules images, finalement, de Beluga qui vont nous rester, tu sais. Puis là, de les mettre comme ça, ça fait finalement comme rappeler une espèce de... essayer de reproduire l'effet de vivant, finalement, tu sais. Ça fait qu'en tout cas, il y a comme une belle... sans être... écologique comme comment je dirais, le comme propos là, c'est ça, tu sais, on sent que tout de même ça se rapproche vraiment beaucoup aussi d'une conscience de la nature à travers l'image, tu sais, en tout cas je trouve que c'est très poétique, c'est très enivrant, en tout cas l'ambiance, moi je suis allée vendredi soir là, puis l'ambiance était très relaxant. Relaxant. C'était un beau contraste avec d'autres d'autres soirées, en tout cas d'autres expositions. On rentrait là, on était comme... On flottait presque dans l'espace. Moi, je flottais. Oui, tout à fait. Non, avec le mouvement du beluga qui nageait, c'était assez La trame assez sonore. Tout à fait. De Robin, oui, le choix de la trame sonore. Fonctionnait à merveille. Tout à fait. Ben, comme... Les choses s'imbriquent bien les unes dans les autres, vraiment. Là, c'est, Et puis peut-être mentionner aussi comment c'est présenté rapidement là, dans l'espace. Là, mais c'est un simple banc sur lequel on s'assoit. Mais on me disait que Jocelyn Robert a quand même fait le choix de ne pas faire une projection. Plein mur, là, si on peut dire, d'y aller plus un format un peu écran pour aussi garder cette distance comme lui a pu le faire devant son écran d'ordinateur. Fait que ça, c'est justement Ricardo, le directeur technique à la bande vidéo, qui me faisait remarquer ça. Puis j'ai dit oui, effectivement, on se sent pas immergé dans l'image, mais plutôt on le sait qu'on est comme, on regarde cette image-là comme un spectateur aussi. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant, ce choix aussi qui a été fait par Jocelyn. Ben super, alors comme on disait, jusqu'au 9 octobre qu'on peut voir cette exposition. Et on va terminer ce survol avec un petit mot sur la vitrine de Manif d'art aussi. Ben oui, oui, avec une exposition de Pascal Leblanc-Lavigne qui s'appelle La vitrine, tout simplement. Donc dans la vitrine galerie de Manif d'art, elle a été inspirée par notre vitrine qui est un petit aquarium, en tout cas c'est un ancien espace de radio, donc qui donne Capignon-sur-Rue sur la côte d'Abraham. Donc c'est quelque chose, je sais pas si le décrire peut aussi servir l'œuvre. Je trouve que c'est quelque chose qu'il faudrait voir. Faut à le voir, vivre en action. On avait même mis une photo sur l'Instagram de l'aérospatial, tout à fait, qui peut vous donner une idée de quoi ça a l'air. Tout à fait, puis même sur le site de Manif d'art, on a tenté une vidéo en direct pour montrer un peu les mouvements. Donc c'est toute une œuvre, c'est une installation in situ qui est en mouvement avec une musique sifflée en travaillant pour vous donner un petit peu une idée de qu'est-ce qui se passe dans la vitrine. C'est vraiment à voir, c'est une jeune artiste qu'on aime beaucoup et en tout cas, venez voir, faire un tour à la manif. C'est surtout en mouvement de midi à 9h. Puis le soir, c'est éclairé. Donc vraiment, vous ne pouvez pas le rater en passant par Méduse. Là, c'est vraiment à voir. Puis c'est jusqu'au 9 octobre également. D'accord. Un petit côté, on pourrait dire ménager. On aimerait bien avoir ce type de machine-là pour nous aider. Oh que oui! aussi, enfin, à voir aussi à la fin de l'exposition à quoi cette vitrine ressemble. Va terminer. Oui, exactement. C'est tout un défi. En tout cas, c'est à voir. Vraiment, là, c'est faut le voir pour le croire. Parfait. Et c'est jusqu'à quelle date? Jusqu'au 9 octobre. Aussi. Donc, il nous restait juste vu qu'on n'a pas abordé, mais on, comme c'était une exposition assez consistante, collective, oui. Ben, on voulait quand même aussi dédier un moment à ça. Donc, on va en parler dans les prochaines semaines, justement. Donc, restez à l'écoute. Il restera cette exposition-là dont on ne vous a pas parlé. Eh bien, Julien, Émilie, merci beaucoup d'être venus ce soir nous en parler. En tout cas, ça donne le goût d'aller faire un tour à Méduse, c'est certain. On espère. Parfait. Oui. Une courte pause audio et on vous revient de l'autre côté avec les événements à ne pas manquer cette semaine. Comme à l'habitude, on termine l'émission avec un rappel des événements et des expositions de la semaine. Comme je vous disais en début d'émission, il y a encore une fois la rentrée se poursuit cette semaine et il y a plusieurs événements à ne pas manquer. Donc ce jeudi, c'est vernissage à la Galerie des arts visuels à compter de 17h. On va pouvoir découvrir le travail du jeune peintre Adam Bergeron et aussi du photographe Alain Parent qui, il faut le dire, et avant tout un urgentologue qui a une pratique artistique, donc il va nous faire découvrir son travail justement photographique en lien avec son métier, sa profession de tous les jours, donc vraiment à ne pas manquer ce jeudi, donc à compter de 17h. Également, on peut vous le rappeler, c'est le début de la Rencontre internationale d'art performance de Québec dont on a parlé tout à l'heure en début d'émission, donc à compter de 20h ce jeudi, donc jeudi, vendredi, samedi et dimanche, il y a la conférence, la première conférence donc aussi qui va avoir lieu au lieu. Hein? Ça a l'air drôle de dire ça, le lieu au lieu. Donc, ce dimanche également, donc à ne pas manquer. Vendredi, c'est le vernissage à Regards, bien sûr, ce centre d'artistes situé à Lévis. Donc, c'est une belle occasion pour prendre le bateau si vous avez envie d'aller voir ça. C'est à compter de 17h et c'est une exposition collective intitulée « Comme un chien dans un jeu de quilles ». Et on va en parler justement avec la commissaire Jeanne Couture la semaine prochaine à l'émission. On va même avoir aussi l'artiste Jacques Sanson qui va pouvoir nous parler un peu là de son expérience à l'occasion de cette exposition qui souligne le 30e anniversaire du centre. Donc, 17h ce vendredi. Sinon, dimanche, vernissage à la galerie Michel Guimond de l'exposition Marcel Ferron. On va aussi vous en parler dans les prochaines semaines de cette exposition-là. Même, je pense, si c'est pas la semaine prochaine, Suzy Dufour va venir nous en parler. Et c'est ce dimanche à compter de 13h qu'on va pouvoir découvrir ces œuvres de cette grande dame de la modernité artistique au Québec. Et il faut rappeler aussi des expositions à voir jusqu'à dimanche. Hein, c'est la dernière chance pour voir l'exposition collective à la Galerie 3, donc qui met en vedette notamment le travail de Dan Brault, Daniel Barrow, BGL, Martin Mureau et autres. Et également l'héberçante des incomplètes au studio d'essai de Méduse, donc à voir. Et bien sûr, j'aimerais aussi vous rappeler, hein, si vous avez manqué une partie de cette émission-là ou vous souhaitez rattraper d'autres de nos émissions, eh bien, tout est diffusé en balado-diffusion sur notre page web, l'aérospatiale, ckrl.wordpress.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook et maintenant Instagram, bien sûr, parce que moi-même et nos collaborateurs, lors de nos visites, on va prendre des petites images pour vous. Alors, allez suivre notre page. Donc, je remercie nos invités, Richard Martel, Patrick Dubé, ainsi que Caroline Gagné, nos chroniqueurs, Émilie Porakia et Julien Saint-Georges, Jacques Gignac, toujours fidèle à la mise en onde. Je salue bien sûr aussi ma comparse de cette émission, Jean-Tiane La France, qui nous écoute en direct de Matane. Et bien sûr, restez à l'écoute, car le savoureux Pierre Blais et toute son équipe vous attendent de l'autre côté pour discuter cinéma à l'émission Situation Critique. Nous, on se dit à mardi prochain, 17h30. Bonne semaine. L'aérospatiale vous a été présentée par la revue Inter, le magazine en art actuel. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Pierre Blais anime Situation Critique, l'émission sur le cinéma dans quelques instants. Le Bal du Lézard est fier d'encourager les talents d'ici et vous présente cette soirée. Qu'on se le dise, folk d'Amérique est de retour. Chansons contestataires, blues ou country d'Amérique, vieux folk songs d'Europe ou d'Afrique. Avec des noms célèbres, Bob Dylan, Neil Young, Johnny Mitchell ou Florent Volant, et des jeunes comme Leila McCalla ou les Chercheurs d'or. Les mardis soirs à 19h30 avec Gilles Chaumel sur les ondes de CKRL. À CKRL, on est branché sur l'actualité qui vous touche. Retrouvez Dominique Lelièvre et les informations tous les jours en semaine entre 6h30 et 9h. À 11h30, à l'émission On refait la une. Et à 12h30 pour un bulletin d'informations complet. Restez informés en temps réel sur notre site web et les réseaux sociaux. CKRL veut être vos yeux et vos oreilles sur le terrain. Soyez à l'écoute. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% sur tout le matériel usagé chez Québec Aubaine Recycle, 1635 Henri Bourassa. Votre carte au coût de 25 $ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Les Têtes curieuses, l'école de vulgarisation du savoir et d'éducation populaire. Ici Éric Dussault, historien. Je vous attends les mercredis 21 et 28 septembre et les 5 et 12 octobre à 19h au Café l'Anarchique situé au 249 rue Saint-Jean. Je vous raconterai l'histoire sociale et culturelle de la ville de Québec de 1534 à 2008. Chaque séance de cours coûte 20 $ et dure 2 heures. Ce tarif inclut thé et café à volonté et des biscuits. Si vous vous abonnez à la série complète de 4 cours, vous économiserez 10%. Pour plus d'informations, 418-906-6412 ou par courriel lestêtescurieuses@gmail.com. Situation critique vous est présentée par le Cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. En septembre, ne manquez pas au Cinéma Le Clap, neuf le film dès maintenant. Embrasse-moi comme tu m'aimes dès le 16 septembre, Juste la fin du monde dès le 21 septembre, La Vache dès le 30 septembre. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca. Aujourd'hui, à Situation Critique, le tout dernier film de Clint Eastwood, Sully, vu par un expert en aviation.